On accueille aujourd'hui en studio au micro Pierre Bergeron, qui est journaliste, éditorialiste et ancien directeur général du journal Le Droit. Bonjour, Monsieur Bergeron. Bonjour. Alors, bon, première fois à CHUO dans votre cas. Première fois, pourtant, j'ai été impliqué dans, comme au bureau des gouverneurs, j'ai étudié ici, je suis un partisan, un défenseur et un promoteur de l'Université d'Ottawa, il va sans dire, mais c'est la première fois qu'on m'invite, alors c'est pour ça que j'ai accepté avec plaisir de venir partager avec vous. Et c'est vrai, sans trop le mentionner, vous avez une expérience radiophonique tout de même, et oui, télévisuelle aussi. Oui, tout à fait, j'ai fait, mais généralement c'est à partir de mon métier de commentateur, journaliste, que j'ai surtout fait beaucoup de commentaires à la radio et à la télé. Et il y a 3 ans, j'animais Franco-Opinion à Rogers. Oui. Alors, ça a été mon premier bain, comme on dit, de l'autre côté de la clôture, à titre d'animateur d'une émission d'une heure, une émission quotidienne. Une quotidienne d'une heure, faut le faire. Que j'ai beaucoup apprécié également. Reste que la presse écrite a été votre médium de prédilection. Tout à fait. Moi, quand on me dit, quand on demande à quelqu'un qu'est-ce que tu fais dans la vie, ben moi je dis je suis journaliste de la presse écrite. Je suis un gars d'information. J'ai passé toute ma carrière de journaliste. Comme on dit, rémunéré de façon régulière dans la presse écrite, beaucoup associé au journal Le Droit, il va sans dire, mais également au quotidien du Saguenay-Lac-Saint-Jean que j'ai dirigé au début des années 90. Le Progrès, c'est ça? C'est ça, Le Progrès, et Le Progrès qui s'appelle Le Progrès dimanche pour sa version dominicale, oui, mais également Le quotidien du Saguenay-Lac-Saint-Jean pour sa version du lundi au samedi. Dans votre cas, la presse écrite, c'était un choix ou plutôt un concours de circonstances? Il y a de cela, évidemment, plusieurs décennies. Quand on regarde dans la vie, on s'aperçoit qu'il y a eu beaucoup de concours de circonstances qui ont fait qu'on se rend là où on est. Dans mon cas, j'étais pas destiné à la presse écrite. J'ai fait mes études ici à l'Université d'Ottawa, entre autres, après ma maîtrise en administration. Je suis passé chez Bell Canada qui m'ont donné, comme on dit, ma première chance. J'étais dans des domaines beaucoup plus techniques et ça ne m'intéressait pas du tout. Et un grand ami à moi, Pierre Tremblay, de Vénéré Mémoire, Pierre Tremblay qui a été un des grands éditorialistes du droit, décédé il y a 20 ans cette année, m'a dit il y a des postes qui s'ouvrent à la salle des nouvelles, tu devrais postuler. Alors c'est ce que j'ai fait en rencontrant Jean-Guy Bruneau qui à l'époque était directeur de l'information, et Jean-Guy Bruneau qui est décédé également. Alors j'ai pas assuré à ceux qui m'ont donné ma chance, je leur ai pas donné la vie éternelle, mais quand même je tiens à reconnaître le rôle que ces gens-là ont joué, Pierre Tremblay et Jean-Guy Bruneau, dans ma carrière. Donc, on ne naît pas journaliste, on le devient. C'est la maxime un peu c'est qui tout à fait, tout à fait. Et puis, j'étais très intéressé par l'information, intéressé par l'histoire également. On ne peut pas aimer les choses telles que comme ça. Il faut les cultiver. C'est un petit peu comme l'écrit. Ça se cultive, ça. Les gens disent, ah, Bergeron, c'est facile, toi, là, t'écris. T'as juste à t'installer, puis ça vient tout seul. Pas vrai du tout. Tout comme le micro, ça ne vient pas tout seul. Tout comme l'image, la capacité, il faut y travailler et il faut avoir un énorme respect pour les métiers que l'on pratique, et on n'est jamais plus grand que le métier. Le métier, c'est ce qui domine, et puis pour moi, il y a eu l'écrit, il y a également la radio et la télé. Si vous me le permettez, je vais revenir un peu en arrière. Vous oui. Naissez donc en 1946 à Chicoutimi. Chicoutimi, oui, qui s'appelle maintenant Saguenay, mais que oui. J'appelle encore Chicoutimi. Oui, tout à fait. Et vous faites vos études en théologie à l'Université Saint-Paul oui. en 1970, qui devient finalement qui regroupe l'ensemble des facultés ecclésiastiques de l'Université d'Ottawa, qui s'est laïcisée 5 années plus tôt. C'est ça. Il est important de noter que quand j'étudie en théologie à l'Université Saint-Paul, je fais partie de la congrégation des eudistes. Oui. Alors, je fais partie de la congrégation des eudistes. Je ne suis pas ordonné. Je suis ce qu'on appelait à l'époque un grand séminariste. Et j'ai fait mes études de théologie à l'Université Saint-Paul. Par la suite, je suis allé aux États-Unis pour un an où j'ai pris la décision de ne pas continuer dans cette vocation. Par la suite, j'ai encore continué à l'Université Saint-Paul en faisant mes études de maîtrise en théologie. Et par la suite, je me suis marié, puis fallait quand même que je mette un peu de pain sur la table. Alors, j'ai dit, j'étais assez passionné par l'administration et j'ai fait ma maîtrise en administration, ma maîtrise en sciences de la gestion ici à l'Université d'Ottawa avant que ça devienne le MBA. C'est devenu oui. le MBA, mais l'année suivante. Ce qui est intéressant ici, c'est que vous arrivez dans des études en théologie dans un contexte où l'indissociabilité entre la langue et la foi, c'est une conception qui n'est plus nécessairement dominante. Il y a l'Université d'Ottawa qui devient publique aussi. Donc, le contexte ne m'apparaît pas favorable pour se lancer dans des études dominicales, si je peux ouais, dire. Des études théologiques. Des études ouais, théologiques, bref. Oui, qu'est-ce qui vous amène dans ce domaine-là? Parce que ouais. c'est particulièrement intéressant. Ouais. Faut dire que moi, là, je fais partie des... un petit peu... Bon, mon âge le trahit un peu. Je suis en 46, donc je dois avoir pas loin de 62 ans, 63 ans, n'est-ce pas? Alors, à l'époque, moi, je commence à étudier en 57, le mm-hmm. cours classique. Oui. Et quand on étudie quand on parle cours classique, etc., faut toujours se rappeler du milieu social oui. dans lequel on est. C'est qu'il y a des collèges. Les collèges sont animés par des congrégations religieuses, puis on recrute. Puis on te fait monter dans le moule, puis tu rentres dans la filière. Puis à un moment donné, t'es pensionnaire, ensuite t'es grand séminariste, puis après ça, tu deviens prêtre tu fais partie de la congrégation, tu t'engages pour la vie. Et puis, ça faisait partie d'un naturel. Moi, le naturel, ça a bien été pendant une dizaine d'années. Mais à un moment donné, j'ai eu plus de difficultés, même si je ne renie, mais pas du tout. Et au contraire, je suis un des rares éditorialistes qui parle de choses, de sujets à caractère religieux présentement. Donc, j'ai gardé la foi, je suis resté très impliqué. Mais à ce moment-là, je me disais, la filière, appelons-la religieuse, la filière catholique était pas mon choix, et puis c'était pas mon choix, c'était pas ma destination de prédilection, disons. Mais votre rapport à la foi a toujours été... Toujours été là. Et toujours. Est-ce qu'on pourrait dire, dans votre cas, que votre rapport à la foi vous a amené à vous engager socialement? Est-ce qu'il y a un lien entre... C'est incontestable. Incontestable parce que nos maîtres à penser sont des gens qui nous ont appris à avoir une vision globale de la société, que la société est complexe, la société est également la société évolue pas toujours comme on voudrait qu'elle évolue, mais si on s'y engage, pour nous, ça va toujours demeurer. C'est que on peut pas juste demeurer sur les lignes de côté. On peut pas toujours regarder passer le train. Il faut s'impliquer. Et ça, je le prends de mes études en théologie. En fait, qui étaient des études non seulement en théologie, mais des études à caractère social, philosophique aussi, des études philosophiques, poussé, oui. des études qui nous apprenaient mm-hmm. à comment on regarde un problème, comment on l'analyse, comment on réagit. Et j'ai pas perdu ce déclic là. J'ai gardé cette cette approche dans tous mes textes. Des fois, je suis un petit peu trop, peut-être un petit peu trop théologien dans mes approches. Mais ça reste quand même, on m'a déjà dit que c'était dans la ligne éditoriale du droit, c'est-à-dire qu'on doit traiter des questions religieuses avec sympathie. Oui, mais avec un certain recul parce qu'on va le dire, le droit a quand même un passé, tout à fait. Très influencé par le fait religieux. Ça, faudrait faire attention. Parce que c'est vrai que, d'abord, premièrement, c'est pas les Oblats qui ont fondé le droit. Alors, ça, faudrait qu'on... C'est l'élite canadienne-française. Il y a des laïcs. C'est ça, il y a des laïcs. Les Oblats sont devenus propriétaires du droit par la force des choses. Mm-hmm. C'est que, comme le droit souvent n'avait pas les moyens de payer ses employés, alors il leur donnait des actions. Les Oblats ont été le père Charlebois, entre autres, qui ont tenu le droit à bout de bras pendant des années. Alors, c'était pas facile. Mais, règle générale, la politique éditoriale du droit, s'il y a une politique éditoriale, parce que la politique éditoriale, elle s'exprime à tous les jours dans notre façon de traiter, mais elle est axée sur trois ou quatre grands axes d'approche, la défense et la promotion du fait français, de la collectivité francophone, de l'Est ontarien, canadienne et outaouaise. Alors ça, c'est une approche. L'indépendance politique, le droit n'est pas un organisme qui est pas un journal qui est le haut-parleur d'un parti politique. Ça ne l'a jamais été, ça ne le sera jamais. Puis il y a peu, je pense pas qu'il y ait de journaux actuellement, de quotidiens qui pourraient survivre de cette façon-là. Ça, c'est une chose. Et il y a eu pendant longtemps la promotion des valeurs catholiques. Alors ça, c'était... Maintenant, c'est beaucoup plus ouvert. Ce sont des valeurs chrétiennes universelles. Je pense que dans l'ensemble, ce qui est véhiculé par le droit est dans l'ensemble des valeurs avec lesquelles on est tous à l'aise. C'est pas un humanisme chrétien qui est extrêmement ouvert. Il y a une autre chose également, la défense du lien fédéral canadien dans le respect des compétences provinciales. Et ça, ça donne. En d'autres termes, là, ça fait un corridor qui est pas mal large. En effet. Parlant du droit, vous entrez au droit en 1975. Oui, j'entre au droit en 1975 à l'invitation de Pierre Tremblay. J'ai été journaliste. Est-ce que vous avez déjà une expérience en journalisme à ce moment-là? À ce moment-là, j'ai pas d'expérience en journalisme, mais pas du tout. Donc, vous atterrissez là? J'atterris là comme un direct. Le cheval sur la soupe, comme on dit. Absolument. Et je travaille de nuit, 7h à 3h. C'est un quart de travail qui est pas facile parce que, bon... Et après ça, je... Comme pupitreur, j'imagine? Non. À l'époque, faut dire que maintenant, le pupitre est presque devenu une... vous savez, dans un journal, pour nos auditeurs, c'est que le pupitre, c'est là où se font le choix des titres, la mise en page, etc. À l'époque, le pupitre était une destination professionnelle. On était journaliste, on prenait de l'expérience, on faisait 7, 8, 10 ans comme journaliste, et ensuite, on arrivait au pupitre. Maintenant, c'est plus, c'est très souvent une voie d'entrée parce que les jeunes qui arrivent ont une expérience des ordinateurs, ont une faisant de la mise en page à l'ordinateur, donc ils ont certaines habiletés qui les préparent mieux à faire de la mise en page. Moi, je regrette un peu que le pupitre ne soit pas aussi comment dire vénéré qu'il ne l'était ou craint à l'époque, parce que pour moi, quand je suis arrivé comme journaliste en 1975, j'emmenais pas large, puis le pupitre était impérial. En d'autres termes, si notre article faisait pas l'affaire, il prenait la poubelle assez vite. Mais vous devenez quand même éditorialiste 3 ans plus tard, en 78, ce qui est quand même assez rapide. Ouais, mais faut dire que faut situer ça dans un certain contexte. C'est parce que mes études, vous savez, 3 ans plus tard, on est en 78, j'ai 32 ans, donc j'ai quand même un certain bagage L'arrivée à l'éditorial a été, c'est pas facile, là, mais en même temps, j'étais entouré de gens qui étaient des professionnels de premier plan, Pierre Tremblay, il y avait Alain Dexter à l'époque. Est-ce que vous côtoyez les Fulgence Carpentier et oui, Marcel oui. Gingras? Oui, alors Marcel Gingras, c'était avant mon arrivée. Fulgence Fulgence Charpentier, c'était un de mes... Un monument. Un monument, puis une personne avec qui... Parce que à l'époque, quand je suis arrivé au droit, à la page éditoriale, je m'occupais également de la mise en page et je communiquais au moins une fois par semaine, des fois deux fois par semaine, avec Fulgence Charpentier qui venait nous visiter. Et pendant des années, avec qui conduisait sa propre voiture. Et je l'ai presque accompagné jusqu'à son dernier texte qu'il a écrit au début du siècle, des années 2000. Il avait 101 ans quand il a écrit son dernier texte. C'est assez phénoménal, cet homme-là. Juste une petite parenthèse. Je crois que c'est le journaliste qui est resté le plus longtemps dans un journal, mais tout pays confondu. En fait, c'est pas tant la longueur de parce qu'il a eu une carrière de diplomate, il a eu une carrière je trouve d'abord c'est une personne qui a vécu qui recouvre trois siècles parce qu'il est né au 19e, il a vécu tout le 20e puis il est mort au 21e. Alors faut le faire déjà. Il est après sa carrière de diplomate et d'être responsable du protocole lors de l'Expo 67. Il est arrivé au droit, ça c'était en 67, et à un moment donné, il a été au droit pendant tout le reste du temps après 1967, ce qui en faisait à la fin un des employés qui avait le plus d'ancienneté au droit. Et ça, c'était après sa carrière de diplomate. Alors, c'est un phénomène, mais le phénomène, c'est pas tant sa longévité que la qualité de la personne qu'a été Fulgence Charpentier. Venant du Québec, Pierre Bergeron, à quel moment est-ce que vous êtes confronté à la cause franco-ontarienne? À quel moment est-ce qu'elle vient occuper une place importante dans votre vie? Parce que moi-même, en tant que Québécois, je peux dire que c'est une réalité à laquelle on est confronté à un moment ou à un autre quand on arrive dans la région. Tout à fait. Bon, premièrement, moi, je viens du Saguenay. Bon, déjà, là, ça devrait vous indiquer que le Saguenay, là, c'est une île, hein, dans le fond. Le Saguenay-Lac-Saint-Jean, j'ai toujours considéré qu'on était des insulaires. En d'autres termes, pour nous autres, là, l'autonomie, l'autarcie, notre capacité de nous débrouiller tout seul, c'est quelque chose qui est extrêmement important pour les gens du Saguenay. Et on est relié au monde par un pont, mais c'est un pont de 200 kilomètres. C'est à peu près parce que le Saguenay, quand vous regardez sur la carte, là, mettons que c'est entouré de bois, de forêts, pas mal. Bon. Mais en même temps, on a développé une mentalité fière, une mentalité à l'exagération légère, pas trop, mais également, on a développé cette... importance que l'on met sur nos institutions. En d'autres termes, dotons-nous des outils pour nous développer, pour être autonomes chez nous. Et c'est comme ça qu'on va développer notre collectivité. J'ai apporté cette mentalité-là dans tous mes engagements que j'ai faits comme éditeur, que je fais comme éditorialiste avec la cause franco-ontarienne. Il faut dire aussi en 1975, quand je rentre au droit... C'est pas le meilleur contexte. Ouais, ma première responsabilité, c'est les affaires franco-ontariennes. Ouais. Et à l'époque, il y avait un journaliste qui s'occupait de ça. Ma première assignation, mon premier article, c'est avec la nomination d'une nouvelle présidente à un conseil scolaire ici. Et ce conseil, la personne, c'était Gisèle Lalonde. Mon premier article porte sur Gisèle Lalonde. Alors, ça vous dit à peu près que le lien que j'ai avec cette femme extraordinaire, puis que j'ai avec la communauté franco-ontarienne. L'autre chose également, c'est qu'avec le temps, j'en suis venu à croire profondément. Il y en a qui sont pas d'accord avec moi, là, qui me trouvent des fois un petit peu trop... un petit peu trop fixé sur cette idée-là. Pour moi, les institutions sont les pierres d'assises d'une collectivité, d'une communauté. Vous avez lu Raymond Breton, vous? Oui. Alors, pour moi, les institutions sont extrêmement importantes parce que c'est là-dedans qu'on réussit à se donner ce que j'appelle, moi, les masses critiques d'auditeurs, de lecteurs, d'étudiants, d'élèves, de regroupements autour de soins, etc., autour desquels on va bâtir une collectivité. Puis pour moi, c'est fondamental. Maintenant, il y en a qui disent, oui, mais tu serais peut-être mieux de le faire avec le... Tu sais, en d'autres termes, t'as une conception, comme on dit, top-down, une conception du haut en bas de la collectivité. Moi, je dis souvent que ces institutions-là, elles sont formées du bas en haut. En d'autres termes, elles sont formées parce qu'il y a un besoin. Elles sont formées, elles ont... Alors, quelles sont ces institutions, regardez? C'est CHUO, c'est l'Université d'Ottawa, c'est les conseils scolaires qui sont la base. Ce sont les hôpitaux comme Montfort. Que vous avez notamment eu l'occasion de vivre pleinement dans les années 90, on en reparlera. Comment ça s'appelle? Le collège dominicain. C'est le collège, oui, le collège Université Saint-Paul. Ce sont nos médias. Alors, j'ai parlé de CHUO tantôt, mais oublions pas, il y a Radio-Canada, il y a le droit, bien sûr, il y a le droit. Il y a les stations de radio, il y a les journaux, les hebdomadaires. Tout ça fait en sorte que on crée dans chacun de ces milieux-là ce que j'appelle, moi, des masses critiques. On crée des majorités. Moi, le sentiment de la minorité, là, je l'ai pas bien, bien, d'accord? Moi, je viens du Saguenay, comme je vous disais, puis chez nous, on est majoritaire chez nous. On est majoritaire au Saguenay, puis au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Et pour moi, ce qui est important, c'est de créer le sentiment de majorité. Le sentiment de majorité, bien, souvent, il va se créer avec le nombre. Vous allez me dire, bien là, regarde, c'est pas facile, votre affaire, ici à Ottawa, regardez le nombre d'anglophones, etc. Sauf que je trouve que... des milliers d'élèves dans des conseils scolaires, ça veut dire des milliers de parents d'élèves dans des conseils scolaires, des centaines de professionnels de la santé autour de Montfort, c'est une autre masse critique. Des milliers d'élèves à la cité collégiale, c'est une autre masse critique. Vous comprenez? Alors, pour moi, la création de masse critique est extrêmement important dans ce que représentent les institutions pour la santé d'une collectivité. Et c'est pourquoi, quand est arrivée l'affaire Montfort, ce qu'on s'est dit, tous ceux qui étaient autour de, qui en parlaient puis qui voulaient le défendre, c'est que fermons Montfort aujourd'hui, là. On sera jamais capable de le refonder, de le reformer, de le reconstruire. Alors, c'est pour ça qu'il y a eu autant d'accent qui a été mis sur la défense d'une institution. Puis, ceux qui étaient là, puis qui défendaient, les gens de la cité collégiale qui défendaient Montfort, les gens du droit qui défendaient Montfort, ils défendaient pas juste Montfort, ils défendaient les institutions qu'ils représentaient, parce que c'était leur façon d'être. Puis une communauté, la communauté franco-ontarienne s'exprime justement dans ces institutions. On est toujours avec Pierre Bergeron. Vous êtes éditorialiste en 1978 au journal Le Droit, vous commencez. Et je parlais de contexte tout à l'heure, vous arrivez dans un contexte où le nationalisme québécois a une voix politique très forte, oui. Prend le pouvoir en 1976. Oui. Les relations avec les francophones hors Québec sont plus ou moins bonnes depuis la fin des années 60. Mmh. Ces tensions-là, en tant que Québécois qui arrivent dans la région, vous les vivez comment? Vous êtes un peu entre l'arbre et l'écorce. Oui, faut dire que on entre dans mes convictions. Je suis un fédéraliste de conviction. Tout le monde le sait, c'est un mystère pour personne. Mais en même temps, je suis profondément attaché au Québec et profondément attaché à la langue française et profondément attaché à mon milieu de vie. Et j'ai toujours été profondément attaché à mes milieux de vie. Puis pour moi, j'ai dit mon milieu de vie, mais on parle de plusieurs milieux de vie. L'Université d'Ottawa en étant un parmi d'autres. Je suis impliqué avec l'Université du Québec en Outaouais. C'est la même chose. Alors, pour moi, j'ai jamais eu de difficulté à vivre avec ces milieux de vie. D'autre part, les tensions qui ont existé avec les nationalistes québécois, par exemple entre le droit, etc., surtout quand est arrivée la question du référendum, il fallait passer par là, ça n'a pas été facile. J'étais en plus, à ce moment-là, lors du premier référendum, responsable, j'étais à l'éditorial, mais j'étais responsable du courrier des lecteurs. Je vous prie de me croire que ça a été... Il y avait du triage. Comme on dit, ça a été assez rock'n'roll, parce que là, on recevait les chaînes de lettres, ça arrivait des deux bords. Mm. Et ce qui arrivait aussi, c'est que ceux qui étaient en faveur du oui étaient beaucoup plus articulés que ceux qui étaient en faveur du non. Et ils étaient plus nombreux. Alors, on essayait de maintenir... On pouvait même pas maintenir un équilibre. On essayait que les deux voix puissent s'exprimer à l'époque. Mais ça a été très intéressant et j'ai gardé beaucoup d'amitié et les gens... On en a perdu aussi, peut-être? Non. Pour moi, j'ai toujours été très ouvert, puis... se fermer à ces mouvements qui sont des mouvements naturels, moi, je pense pas que ce serait une façon de faire. Puis, je suis parfaitement à l'aise et je vis au Québec depuis 1960. En passant, j'habitais en Ontario, j'ai déménagé au Québec après la prise du pouvoir, après le 15 novembre. Alors quand même, faudrait pas penser que pendant qu'il y en a qui s'en allaient ailleurs, moi je rentrais au Québec à l'époque. Sur le métier d'éditorialiste, oui. L'éditorial, ça reste sans doute le texte le plus lu d'un journal. Souvent, on va prendre le journal pour lire l'éditorial. L'éditorialiste doit aussi conjuguer la ligne éditoriale de son journal et ses propres opinions. Oui. Donc, il fait aussi office, en quelque sorte, de figure d'autorité, de leader d'opinion. Oui. Comment est-ce que vous entrevoyez le rôle de l'éditorialiste à travers toutes ces années, là? Bon, d'abord, l'éditorialiste, comme on dit, on est payé pour... analyser et dire ce que l'on et écrire ce que l'on pense, on n'est pas éditorialiste simplement pour formuler une réflexion sur les gens demandent qu'on prenne position. Il y a des gens qui prennent position de façon plus directe, plus claire, plus moins nuancée que d'autres. Moi, je suis plutôt du genre... je suis plutôt le gars du milieu. Je suis pas un gars de... Vous peignez pas dans un coin. Non. Moi, me peinturer d'un coin, non. C'est pas tout à fait mon genre. Les questions... vous savez, les problèmes humains, les problèmes sociaux, les problèmes économiques et les problèmes politiques ne sont jamais... ne sont jamais d'une même couleur. C'est toujours un mélange. Donc, il y a pas un problème qui est si clair que on a juste à écrire « je suis pour, je suis contre » puis on vient communiquer la vérité. C'est pas du tout ça. Donc, moi, ce que j'essaie dans mes textes, c'est de parler d'abord que des deux côtés ou des trois côtés de la médaille, ce qui n'est pas toujours évident, les trois côtés de la médaille. Vous voyez quand même l'image. C'est d'essayer de présenter au lecteur les différentes facettes d'une question et de prendre une position, à mon avis, aussi équilibrée que possible. Qui souvent va rallier, mais de temps en temps va braquer les personnes les unes contre les autres. Mais moi, je suis habitué à ça. Je dors très bien avec ça. J'ai aucun problème. Dans l'ensemble, les gens me connaissent comme étant le gars de l'équilibre, le gars du milieu, le gars qui essaie d'éclairer une question plutôt que si vous me passez l'expression, de la focusser dans une seule direction. Est-ce que c'est d'autant plus difficile quand on exerce ce métier-là dans une petite communauté comparé à Montréal, par exemple? Oui. C'est-à-dire qu'on se fait connaître assez vite, on rencontre les gens régulièrement. C'est ça. Puis souvent, nos lecteurs nous rencontrent, on les rencontre au Rona, on les rencontre au Canadian Tire, on les rencontre au métro, et ils viennent nous voir, mais règle générale, les gens sont extrêmement accueillants, les gens nous respectent, et ça part d'une chose, c'est le respect des gens également. Moi, je suis pas plus important que mon journal, je suis pas plus important que les questions que je traite. Je suis un serviteur de l'information, essentiellement. Bon, si je donne mon opinion, c'est parce que on me dit, Bergeron, t'es éditorialiste, puis on te paye pour que tu dises ce que t'écrives, tu éclaires les questions, mais en même temps, donne-nous une opinion. Bon, des fois, c'est pas toujours évident, là. Il y a peut-être 15 sortes d'éditoriaux, mais bon, on essaie de guider, en même temps d'éclairer, pour qu'au bout, les gens disent... Tu m'as écrit ce que tu pensais, mais tu m'as pas dit quoi penser. Et ça, je pense que c'est le secret d'un bon éditorialiste. Donc, l'aventure au journal se poursuit dans votre cas jusqu'en 1983. Évidemment, elle ne s'arrête pas là. Oui. Mais vous faites une incursion dans le secteur public au Conseil économique du Canada. Pas bien bon là-dedans. Conseil des sciences. Pas bien bon. Ça n'a pas été un succès, non? Nul. Nul. J'ai eu trois expériences, et ces trois expériences-là ont été extrêmement enrichissantes, mais je suis non pas à l'aise là-dedans. Vraiment, là, mais pas du tout. J'ai jamais été vraiment très à l'aise. Vous allez également dans le milieu de l'édition. Ce qui est peut-être plus près de votre, bon, d'accord. En fait, de votre intérêt initial. En fait, une des choses qui est intéressante, c'est qu'en 87... parce qu'à l'époque, j'étais allé au Conseil des sciences, j'ai quitté le Conseil des sciences, puis je suis retourné au pupitre au droit. J'ai fait du pupitre pendant une couple d'années. Et là, il y a eu une opportunité qui s'est présentée. Et là, ça, c'est intéressant parce que c'était pour prendre la direction de la Maison Novalis. La Maison Novalis, c'est encore le plus gros éditeur religieux au Canada. C'est une division, c'était à l'époque un département du journal de droit qui imprimait le Priant de l'Église, que beaucoup d'entre nous connaissent. Et c'est une entreprise. C'est une entreprise de communication, d'édition, de fabrication, de marketing, de mise en marché. Et ça, j'en ai pris la direction en 1987, à la succession de Gilbert Lacaze, qui devenait éditeur du droit. Et là, j'ai été là pendant 4 ans et demi. Et j'ai adoré ça. Alors là, c'est là où j'allais également conjuguer mes études de théologie qu'on a oublié, avec mes études de gestion que j'ai fait par la suite. Et là, le mariage a été, je dirais pas qu'il a été parfait, mais c'est là où je me suis senti comme un poisson dans l'eau là-dedans. J'adorais ça. Je faisais de la gestion, j'étais dans le monde des communications, dans le monde de l'édition, des livres, des périodiques. J'ai adoré ça. Au confluent donc de vos champs d'intérêt, après donc ce passage à la maison d'édition Novalis... Et le déménagement de l'entreprise à Montréal, parce qu'il était ici, je l'ai déménagé en 90. Vous revenez dans le monde du journalisme et de l'édition de quotidien au Saguenay en prenant la direction du Progrès. Et là, c'est aussi une entrée dans le monde de l'administration des médias. Oui, tout à fait. Qui est un domaine d'expertise qui est très différent, j'imagine. Bon, c'est un domaine d'expertise très différent. C'est que j'ai été journaliste, j'ai été éditorialiste. J'avais touché au journalisme pas mal à ce moment-là, là, quand on... parce que ça fait quand même pas mal d'années. On est au début des années 90, puis j'ai commencé à pratiquer le métier en 75, donc j'ai 15 ans de bagage. Certaines qualités de leader, parce que tu n'accèdes pas à ces postes-là juste parce que tu étais là, mais bon. Un bagage d'expérience qui me préparait bien à ça, mais en plus, et là, je vous dirais là, que c'était, comme on dit, la cerise sur le sundae, je retournais dans mon pays natal. Oui, retour avec les racines. Mon pays, ma région, en tout cas, c'est un royaume, donc mm-hmm. on peut dire que c'est mon pays natal. Oui, oui, oui. C'était... Et je me rappellerai toujours les premières réunions, les premières rencontres, les gens disaient, c'est qui ce gars-là? Parce que moi, j'étais parti en 57 de la région. On est au début des années 90. Mettons que ça faisait un bout de temps que j'étais parti du Saguenay, même si mes parents y habitaient toujours, etc. Ma famille était là. Et là, quand je leur parlais de tel point, je leur parlais de telle affaire, de telle rue, de tel rang, de telle ferme, de telle chose... Là, tout d'un coup, ils se sont aperçus, mais ils ont dit, mais ils connaissent la région autant que nous autres. Et effectivement, et j'ai appris à connaître encore mieux ma région, qui est le Saguenay-Lac-Saint-Jean. Mais pourquoi l'administration des médias? Qu'est-ce qui vous a attiré dans l'administration des médias, c'est pas juste l'administration des médias. C'est cette capacité, parce que oubliez pas qu'un éditeur, il est responsable de deux choses. De la gestion, de l'administration. Mm-hmm. Mais il est également responsable du contenu. Il est imputable. En d'autres termes, il est imputable. Il est imputable devant la communauté. On disait souvent qu'au Saguenay-Lac-Saint-Jean, le gars qui dirigeait la maison de la presse, parce que c'est comme ça qu'on l'appelle, mm-hmm. Était aussi important que l'évêque du lieu puis le maire de la place. Alors, ça vous dit le rôle que joue, par exemple, la Maison de la presse au Saguenay-Lac-Saint-Jean, c'est pas rien. Donc, faut que tu t'impliques dans ta collectivité, dans ta communauté. Puis ça, je l'avais, comme on dit, dans mes gènes. Alors, je me suis embarqué, mais comme c'était pas possible. Tu fais de la gestion d'abonnement, de la gestion de fabrication, parce que faut pas oublier qu'à ce moment-là, un journal, c'est une opération quasi industrielle. Là. C'est de la machinerie, etc. C'est des syndicats avec lesquels il faut négocier. C'est également du contenu à publier à tous les jours. Donc, des gens de la communauté qui viennent nous dire « Hey, ce que vous avez écrit, ça n'a pas d'allure. » Et certains conflits, parfois assez importants, des questions qu'on a à trancher. Puis, on est au Saguenay, puis au Saguenay, l'alcan est omniprésente, les valeurs chrétiennes sont omniprésentes, je dirais pas omnipuissantes, mais omniprésentes. Vous savez, tout ça là, fait en sorte que quelqu'un qui est à la maison de la presse, il est au confluent d'une somme énorme de toutes sortes d'influences. Et j'ai adoré ça. J'ai adoré ça, je peux vous dire, là, ça a été quelques années absolument sensationnelles, trop courtes, cependant. Mais ça prépare néanmoins votre retour à la Direction générale du droit en 93. C'est ça. Et là, est-ce qu'on pourrait dire que c'est un peu l'accomplissement suprême de la carrière je dirais que, c'est-à-dire, pour moi, ça a été un point très important. J'y ai passé presque 10 ans. Oui. Presque 10 ans. En 2002. 10 ans, là, regardez, c'est un bail, là. Faut bien se dire les choses. Au rythme du quotidien. Faut contextualiser. Et ça n'a pas été, c'est pas toujours facile. Vous savez, le droit sortait d'un ce qu'on appelle un re-engineering de cheval. Ça avait été extrêmement douloureux. Vous savez, l'entreprise où j'ai été embauché en 1975 avait à peu près 425 employés. L'entreprise dont j'ai pris la direction en 93, en novembre 93, en avait à peu près 120. Mettons que comme médecine de cheval, c'est assez majeur. Et le tirage était moindre aussi, bon, était réduit un peu. Le tirage, De tous les journaux au Canada, Le Droit est un des rares dont le tirage s'est généralement maintenu. Oui, il a diminué un peu, mais... Du début des années 90 à maintenant. Oui, d'accord? Essentiellement, le tirage du Droit, là, on peut dire que c'est à peu près 40 000 le samedi, 40-41 000 le samedi, 35 000 sur semaine, mettons, d'accord, sur un an, une année. Et ça, ce sont des chiffres dont j'ai hérité. Et je suis assez fier que on les ait gardés parce que dans ce domaine-là, je pourrais vous dire que c'est pas la même question du tout dans d'autres journaux où ça a été extrêmement difficile. Et vous arrivez aussi dans un contexte, en fait, dans un journal qui n'est plus le même. Oui. D'avant les années 80 ou du début des années 80. Déménagement, restructuration. Mais c'est un journal qui est d'abord acheté par Conrad Black en 1987 et qui sera repris plus tard par Jessica. Oui. Considérant cela, est-ce que vous y retrouvez un journal très, très différent? Bon, d'abord, premièrement, c'est un journal qui physiquement est très différent parce qu'il est passé de grand format à petit format. Ce en quoi il a été... Parce que Le Droit, là, faut bien se dire des choses, là. C'est un précurseur technologique depuis presque 40 ans. Et à ce moment-là, et des gens comme Gilbert Lacasse ont tout de suite vu que le grand format était pas un format d'avenir pour les quotidiens. Donc, Le Droit est passé au format tabloïd vers la fin des années 80. À cette époque-là, oui, j'étais directeur de Novalis, de la maison d'édition religieuse. C'est des gens qui ont également, en 90, fait un bond technologique extraordinaire. Ce bond technologique étant que, désormais, on va faire la mise en page à l'écran. Donc, c'était la fameuse conception assistée par ordinateur sur des ordinateurs Macintosh à l'époque. Et ça, c'était très important parce que c'était la voie de l'avenir et c'était la voie qui allait marquer d'autres journaux et bien sûr tous les journaux du monde. Quand ça s'est fait en 1990, Le Droit était une destination touristique pour tous les journaux du monde qui venaient voir comment qu'on pouvait faire un journal sans passer par ce qu'on appelait le cold type, les grandes presses, le kit. Et ça, c'était extrêmement important dans le cas du Droit. Et je donne tout le mérite de cela à mes prédécesseurs qui ont vu ça. Et qui ont fait des choix qui ont été déchirants. Ça n'a pas été facile. Puis il y a des gens qui ont perdu leur emploi là-dessus. Puis c'est dramatique. Mais en même temps, c'était ça où il n'y avait plus de droit. Faut pas se compter d'histoire. Parce qu'il a connu des moments difficiles aussi. Fin des années 80 ont été terriblement difficiles. Il y a eu une grève. Il y a même eu un arrêt de mort, presque un arrêt de mort. Oui, absolument. Et à un moment donné, Le Droit, moi, je vous dis là, un vendredi, on est des réunions de cadres et Le Droit, il est mort, là. Il est mort. Et le lundi, il est toujours vivant. Faut dire qu'il y a eu des interventions extrêmement importantes. Je nomme trois personnes là-dedans. Gilbert Lacasse, mon prédécesseur. Pierre Desmarais, qui dirigeait Groupe Unimédia, ce sont deux personnes en qui j'ai une dévotion. Et une troisième personne qui a cru au droit puis qui a mis des sous dans le droit et qui s'est assuré que le droit se transformerait et vivrait et qui s'appelle Conrad Black. Et, on sait ce que l'avenir, les événements subséquents lui ont réservé, mais à ce moment-là, cette personne a été une des personnes qui ont été impliquées dans des décisions qui ont été extrêmement difficiles, mais qui ont permis de sauver le journal Le Droit. Est-ce que vous lui parliez encore à M. Black? Non. J'étais plus bas dans le, comme on dit, dans la hiérarchie. Je lui ai parlé à quelques reprises. C'est une personne qui était qui aimait beaucoup les journaux et qui aime encore beaucoup les journaux et qui aime encore beaucoup les quotidiens. Maintenant, les événements subséquents ont été, étant ce qu'ils sont, je suis pas habilité à trop les juger. Ça m'amène, en dernier lieu, à parler un peu de la mission du droit dans la région d'Ottawa-Gatineau. On l'a mentionné en début d'émission, à l'origine, ce sont des laïcs, des prêtres et des religieux qui créent en 1913 ce journal pour favoriser, entre autres, le maintien des écoles francophones en Ontario et plus largement la défense du fait français. Oui. Donc, avec maintenant un journal où, les oblats ne sont plus, ne contrôlent plus la publication, quels sont les nouveaux défis pour le journal au tournant des années 90 et à quelle nouvelle cause est-ce que le journal se rattache? Bon. Une des choses qui est importante, d'abord, premièrement, je ne voudrais surtout pas me substituer à l'éditeur Jacques Pronovo, qui est un gars d'information, donc, et qui est le responsable des orientations du journal et que j'appuie à 100%. Mm-hmm. Vous comprendrez que moi, j'ai fait mon temps, puis j'ai fait et le droit m'a me réserve ses pages. Vous comprendrez que pour un vieil éditorialiste, c'est le plus beau des cadeaux et le plus beau des compliments. Oui. Et ça, c'est une chose importante. Maintenant, il y a des journaux qui ne passeront pas l'écueil d'Internet. Je crois que le droit va passer l'écueil d'Internet pour la simple raison que le droit, je dis souvent, il sera régional ou il ne sera pas. Et les médias régionaux, les médias locaux, sont ceux qui doivent demeurer, comme on dit, au ras les pâquerettes, près de leur monde, le plus possible. Pour le droit, c'est extrêmement important. Le droit ne doit jamais oublier ses racines. Il ne doit jamais oublier la collectivité dans laquelle il s'exprime et qui lui donne son appui. Et ça, c'est une chose, parce que le droit, c'est pas juste un journal, c'est une entreprise. C'est une entreprise qui doit vivre et c'est une entreprise qui a eu de bons résultats, mais les défis sont là, puis la crise a touché le droit comme elle touche les autres journaux. Mais pour l'avenir, je peux vous dire que tant que le droit va rester près de sa collectivité régionale et locale, il va non seulement survivre, mais il va se développer. De temps en temps, ça sera pas toujours facile, mais je le crois fermement. Puis une des choses sur lesquelles je me permets d'insister, c'est que le droit sera local ou il ne sera pas. Mais être local à Ottawa, à Gatineau, dans une région qui d'un million, qui est la capitale nationale d'un pays du G8, c'est de faire du local quelque chose qui est pas mal plus large que d'être le quotidien à Chicoutimi. Vous comprendrez c'est pas la même, le quotidien à Saguenay. C'est pas la même chose. La collectivité ici, c'est une collectivité qui est très complexe. Il y a pas juste la communauté franco-ontarienne. La communauté franco-ontarienne est celle qui a, appuyé, développé, aidé à développer, puis c'est la raison d'être originale du droit. Mais vous savez qu'actuellement, le droit tire à 25% en Ontario et 75% au Québec. Et ça fait depuis 1943 que le tirage du droit est plus élevé au Québec qu'en Ontario. Alors, c'est pas d'hier là que ça date, ça. Là. On parle de presque 70 ans. Donc, le droit va devoir demeurer très près de ses préoccupations régionales. Et moi, une des choses qui m'arrive et qui est extraordinaire, c'est que depuis 2 ans, non seulement je suis éditorialiste invité une ou deux fois par semaine, mais également je suis chroniqueur municipal pour la ville de Gatineau. Oui. Une fonction que j'adore. Oui. Vraiment, là, ça vous remet pas mal plus près des préoccupations. Et c'est extrêmement important. Et j'adore ça. Le temps file, Pierre Bergeron. J'aimerais simplement conclure cet entretien qui a presque duré une heure sur une fusillade. Le principe est très simple. Je vous disais que c'est un événement de l'actualité récente de la communauté d'Ottawa-Gatineau et vous commentez brièvement une phrase ou deux sur vos impressions. Oui. Le CRTC accepte de donner une licence de diffusion à la radio francophone d'Ottawa. Bravo. La saga du maire O'Brien qui prend fin. Qu'est-ce qu'il fait là, lui? On est tous perdants? Tous. On est tous perdants. Les retards de la ville d'Ottawa à cause de toute cette affaire, puis ce gars-là qui n'aurait jamais dû être élu, qui a été élu sur, à mon avis, de fausses représentations, je trouve... En tout cas, bon, voilà. Est-ce qu'il y a un fautif dans cette histoire-là? Il y a un fautif. Oh. Je dis pas qu'il y a un fautif, il y a que des perdants. En juillet dernier, 5 cyclistes de la région d'Ottawa sont happés par un conducteur dans le secteur Kanata. Je suis un cycliste. J'ai fait 4000 km cet été. Nos routes sont souvent dans un état lamentable. Je prendrai la défense des cyclistes toujours. Mais souvent, les cyclistes sont les architectes de leur propre malheur. OC Transpo. Et là, je dis uniquement OC Transpo. Et je regroupe là-dedans la grève, la hausse des tarifs pour les étudiants diplômés, etc. J'ai comme l'impression qu'ils ne sont pas en business, ces gens-là. En juin dernier, la province ontarienne a officiellement reconnu 50 000 nouveaux francophones, dont 5 000 vivant à Ottawa, portant ainsi le nombre total de franco-ontariens à 580 000 dans la province. Statistique. La grippe H1N1 arrive à Ottawa. Je l'ai peut-être attrapée. L'Université Carleton est accusée de responsabiliser la victime d'un viol survenu en août 2007. Délicat. Très délicat. Et un doyen, je pense, de l'Université d'Ottawa qui fait un commentaire en disant que c'est du langage légal uniquement. Je n'ai pas entendu le dire. Ah, d'accord. OK. La performance du maire Marc Bureau? Moyenne. Très moyenne. Réélu ou défait? Réélu par la peau. La peau des dents.